Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Tuna salimia kila ndugu na kila dada mjina Bwana Yesu Kristo. C'est une bonne opportunité que le Seigneur nous accorde. Ni bati mzuri le Bwana anatupatia. Pour venir l'adorer et écouter la parole. Jia kuya kumwabudu na kusikia neno lake. Sans plus tarder, nous vous invitons à vous tenir debout. Bila kugawia, tunamialika mupate usimama bwima. Ésaïe chapitre 53. Tutasoma mu Isaya sura yake 53. Ésaïe 53. Isaïa sura 53. Je vais prier. Ntaomba. Dieu Tout-Puissant. Mungu wa uwezo wote. Créateur des cieux et de la terre. Mumbaji wa mbingu na dunia. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Jina lako ni Bwana Yesu Kristo. Nous ne le disons pas par imitation. Atuiseme mukufatirisha hapana. Ou parce que quelqu'un l'a dit. Wala jumu mtu mwingine alibisema. Mais nos cœurs sont convaincus. Lakini mioyo yetu iko na hakikisho. En dehors de toi, il n'y a point de créateur. Ya kwamba nje yako hakuna muumbaji mwingine. En dehors de toi, il n'y a point de sauveur. Nje yako hakuna mwokozi. En dehors de toi, il n'y a point de guérisseur. Nje yako hakuna mponyaji. Tu es le seul qui soit capable de consoler, kufariji, de changer le cœur, de délivrer na kukomboa, et d'éclairer tout homme. Na kuangazia kila mutu. Viens à notre secours cet après-midi. Ukuje utusaidie mangaribi ya leo. Nous tenons devant ta parole. Tunasimama mbele ya neno lako. Elle est inspirée. Iku yenye kuongoziwa na roho. Et toi seul es l'auteur. Le vrai interprète, c'est toi. Celui qui connaît chaque cœur, c'est toi. Chaque difficulté et chaque épreuve. Toi seul peux donner une parole conséquente à chaque situation pour notre paix, pour notre joie et pour ta gloire. Fais-le Seigneur cet après-midi. Nous nous attendons tous à toi et nous croyons que tu le feras parce que nous l'avons demandé avec foi au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Jina yenye kwa yulu ama jina lote. Amen. Amina. Ésaïe 53. Isaya sura yake verset 53, mstari ya kwanza. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ni nani uliamini kuile litutangaziwa? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ni nani ulitambua mkono wa milele? Que le Seigneur bénisse la portion de l'écriture. Bwana Mungu abariki sehemu la andiko. Que Dieu bénisse chaque frère et chaque sœur. Mungu abariki kila nduku na kila dada. Je crois que c'est depuis le mois d'avril. Nawazia nitangia mwezi ya ine. Qu'il y a eu succession de ministres. Njo kulifuatana baubiri wa kuachana chana. Jusque c'est même avant que les ministres visiteurs ne commencent, c'est toujours Frère Mundu qui avait Nawazia atambele ya baubiri wa prêché les derniers. Inawazia ni paka ndugu mundu ndio aliubiri wa mwisho. Frère Mundu qui a clôturé. Na tena ni ndugu mundu ndio anamaliza. On a eu plus ou moins 19 ministres qui sont passés ici. Tulipata kadiri baubiri wa keni 19. Et je crois que dans tous ces passages, Inawazia mukupita kwa bokote. Chaque frère et chaque sœur kila nduku na kila dada doit avoir tiré profit de quelque chose. Arepashi kufaidia kwa kitu hata kimoja. Je crois que c'est ça. Nawazia iko vile. Celui qui était faible dans la foi, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur doit l'avoir secouru. Et chaque passage, vous devez retenir cela. Na kila kupita kote, munapashi kuishika. De chaque ministre, wa kila mutumishi, c'est un pas pour nous dans la foi. Iku ni atua moja tu le Seigneur a toujours quelque chose Bwana à transmettre Bwana Mungu yuko paka na kitu fulani yae kuleta à ses enfants. Kuba toto yake. Maintenant, sasa, dans tout ce passage-là, muile kupita kote kwa baubiri, chacun de nous doit avoir retenu quelque chose de particulier. Même si la question devait être posée à chacun de nous aujourd'hui, à qui est-ce que le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Qui est-ce qui a reconnu la main de l'Éternel dans tout ce passage? La question peut être posée à chaque sœur et à chaque frère. Vous devez être en mesure de dire qu'à tel passage, de tel ministre, j'étais colérique, la colère a été enterrée. Lors du passage de tel ministre, j'étais un homme ou une femme très négligente. La négligence était tombée. Ce qui fait, tu peux faire la comptabilité et te dire réellement, Dieu m'a secouru. Réellement, j'ai cru ce qui m'avait été annoncé. Réellement, le Seigneur m'a révélé son intervention. Que le Seigneur vous bénisse. Mais l'écriture ici de Ésaïe 53 concerne particulièrement le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour dire ceci. En son temps, tout l'Ancien Testament, les prophéties étaient données par chaque prophète. Toutes ces prophéties annonçaient la venue du Rédempteur promis. Chaque dispensation, chaque prophète annonçait toujours cela. Ce qui fait tout l'Ancien Testament pointait seulement la venue du Messie. Et même quand le Messie est arrivé, ceux qui ont reconnu ce qui se faisait là devaient tirer profit de la chose. Ceux qui étaient dans l'attente et qui ont reçu la chose ont bénéficié de cette visitation-là. Que le Seigneur bénisse. Regardez maintenant Jean 12. Qu'est-ce qui est dit? Jean 12. Jean 12. Jean 12. Jean 12, verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Malgré tant de miracles, malgré tant de prédications, tout ce que Jésus a fait, il y a quand même des gens qui étaient restés insensibles, indifférents, et ils n'ont même pas cru. Et cette visitation-là n'a rien produit chez eux. Mais pour ceux qui ont tiré profit de la chose, pour ceux qui ont reconnu ce que le Seigneur, le bras de l'Éternel, leur vie ont changé. Ceux qui étaient malades furent guéris. Ceux qui étaient aveugles ont recouvert la vue. Parce que Esaïe 35 avait dit ceci. Esaïe 35. Esaïe 35. Isaïa sura makumi tatu na tano. Verset 4. Musari ya ine. Dites à ceux, on peut commencer au verset 3. Fortifiez les mains languissantes. Muti wanguvu mo mikono akulekeya. Et affermissez les genoux qui chancellent. Na magoti yenye kulekee kwena nguvu. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Mwambie venye kwa na moyo ya kufadhaika. Prenez courage. Muwe na hodari. Et ne craignez point. Na msiogope kitu. Voici votre Dieu. Tazameni Mungu wenu. La vengeance viendra. Ulipisa kwa kisasi. La rétribution de Dieu. Malipo ya Mungu. Il viendra lui-même. Atakuja yeye mwenyewe. Et vous sauvera. Na atamiokoa. Dites à ceux qui ont le cœur troublé mwambie wenye kwa na mioyo ya kuvurugwa que Dieu viendra ya kwamba Mungu atakuja et il vous sauvera. Na atamiokoa. Dites à ceux qui ont les mains languissantes mwambie wenye kwa na mikono ya kulekeya à ceux dont les genoux chancellent bale magoti yabo na taika taika que Dieu viendra ya kwamba Mungu atakuja et il vous sauvera. Na atamiokoa. Et quand il viendra wakati atakuja verset 5 mstari ya 5 alors s'ouvriront les yeux des aveugles pale basi macho ya vipofu itafunguka s'ouvriront les oreilles des sourds na masikio. Alors les boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien annoncé. Et ceux qui ont reconnu en leur temps l'accomplissement de cette chose, la venue du Messie, eux ont tiré profit de cette chose. Ceux qui étaient faibles ont été fortifiés. Ceux qui chancelaient ont été soutenus, affermis. Ceux qui avaient des cœurs troublés, ils ont été apaisés. Ce qui fait, manake, le même Jésus-Christ, le même Messie, pour nous, quand il vient, il y a un bénéfice. Celui qui avait le cœur troublé a doit recevoir la paix. Celui qui était un pécheur, quand il se retrouve en face de Jésus-Christ, il doit tirer profit de son passage. Que le Seigneur bénisse. Ça, quand ça s'accomplissait, l'expiation n'avait pas encore eu lieu. Parce que là, jusque-là, c'était seulement les Juifs qui tiraient profit de ça. Mais quand Jésus, homme, est devenu sacrifice à Golgotha. Regardez même avant qu'il ne devienne sacrifice à Golgotha. Il annonce déjà quelque chose. Prenez Luc 4. Luc chapitre 4. Luca sura ya ine. Verset 34. Luc 4, Jésus arrive à la synagogue. On lui remit le rouleau d'Esaïe. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Jusque-là, Jésus était là. Ceux qui étaient malades recouvraient la guérison. Les aveugles voyaient. Mais nous, les nations, on n'avait encore rien vu. C'est jusqu'à ce que Jésus, devenant péché à Golgotha, fut crucifié en se criant que tout est accompli. La Bible dit, il est devenu pour nous victime expiatoire, victime propitiatoire. C'est-à-dire, victime expiatoire. Ça signifie ceci. J'aimerais maintenant qu'on s'entende très bien. Il est l'homme sur qui on a exécuté la décision qui disait le pécheur doit mourir. Et l'homme Jésus est devenu péché pour que les pécheurs d'aujourd'hui ne meurent pas de cette mort-là. Que le Seigneur bénisse. On a exécuté sur l'homme Jésus. On a accompli sur l'homme Jésus tous les châtiments qui devaient revenir à toi et à moi. On a mis sur Jésus toutes nos maladies. On a mis sur Jésus toute notre hypocrisie. On a mis sur Jésus toute notre malédiction. On a mis sur Jésus tous nos forfaits. Tout alors sur Jésus. Et le châtiment qui devait tomber sur toi, le fouet qu'on devait t'infliger toi, on a tout exécuté sur l'homme Jésus. Que le Seigneur bénisse. Mais que reste-t-il pour nous? C'est qu'il fait quand Dieu nous regarde à cause de notre foi en Christ. Satan peut dire qu'il avait fait ceci, qu'il avait fait cela. Mais quand Dieu lui nous regarde, à cause de notre foi en Christ, Dieu peut dire à Satan, il n'avait jamais fait ça. Il n'y a rien. Ce qui pouvait justifier, ce qui pouvait justifier la mainmise de Satan sur nous, il est repassé à faire que Satan a baqué la roue sa yulu yetu. Ah, ce qui devait faire à ce que Satan puisse avoir la mainmise sur nous a été ôté. Ce qui fait, pour un véritable croyant, Satan n'a aucun droit sur lui. Je pense que c'est ça la vérité. Pour un croyant véritable, c'est pas pour rien que l'Écriture dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui sont unis, qui ont cru en Jésus-Christ. Il n'y a aucune culpabilité, il n'y a aucun péché qu'on peut leur imputer. Or, ce qui justifiait la même mise de Satan sur toi et sur moi, c'était le péché. Il est quoi nafanya mukono ya shetani kwa yulu yetu ni kwa ni zambi. Mais le péché a été mis sur Jésus. Sasa zambi variweka yulu ya Yesu. Maintenant, d'où vient que Satan? Sasa inatokea wapi shetani? Me retenir. Anaweza tena kutushika. Il n'a aucune raison. Anatena sababu ya kutushika. Il n'a aucune raison. Anana sababu. Satan n'a aucune raison. Shetani anana aucun sababu. Droit. Anana rusa ni sur mon âme. Wala yulia nafsi ni yangu. Sur mon esprit. Wala yulia ni yangu. Sur mon corps. Wala yulia ni yulia sur yangu. Ma vie. Wala il n'a aucun droit. Anana rusa pour ceux qui comprennent la chose, ils marchent conséquemment. Ils savent que Satan n'a aucun droit sur moi. Il ne peut plus me commander. Il ne peut plus agir sur moi. Même celui qui a été baptisé dimanche, les 18 qui ont été baptisés dimanche, retenez ça. Dès le jour où vous avez pris cet engagement, dès le jour où vous avez cru, considérez que Satan n'a aucun droit sur vous et proclamez ça, marchez conformément à cela. Il est notre victime expiatoire. C'est-à-dire, il est l'homme qui a porté tout ce que moi j'avais comme mal. Il faisait qu'à cause de ce mal-là, Satan me retenait comme esclave. Est-ce qu'on est ensemble? Moi je crois qu'un croyant qui comprend comme ça. Il n'a pas à négocier avec Satan. Aoutaweza tena kusema ke. Tu ne peux plus dire que Nikumuntu frère. Je suis aussi animé. Non. Quand la Bible dit, le royaume appartient aux violents. C'est-à-dire, aux hommes et aux femmes qui comprennent ce que l'œuvre de Golgotha. Maintenant, qui a cru en cela? À qui est-ce que le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Celui qui a eu la révélation de la chose comprend que je ne peux plus servir Satan comme je le faisais autrefois. Je ne peux plus être son outil de production. Ma bouche ne peut pas être au service de Satan. Ni mon corps, ni ma vie, tout ce que je suis appartient à Christ. Et quand nous le disons, cela doit venir de chaque cœur. Il faut que le Saint-Esprit vous puisse vous convaincre que c'est ça la vérité. Et marcher ainsi. La vérité, frère, vient seulement de Dieu. Tout le reste est mensonge. Maintenant, croyez seulement ce qui vient de Dieu. Quand Dieu vous a parlé ici dimanche, et vous avez répondu à son appel, comprenez que dès cet instant-là, même avant le baptême, vous n'appartenez plus à Satan. Tout ce que vous êtes, vous appartenez à Christ. C'est pourquoi le baptême thème pour le croyant. Maintenant, celui qui a cru véritablement, à qui Dieu a révélé ce qui a été fait à Golgotha, marche de victoire en victoire. D'expérience en expérience. Jésus est notre victime expiatoire. Regarde comment la Bible parle. Il est aussi notre victime. Non. Notre victime propitiatoire. Grâce à lui, nous trouvons de la faveur de Dieu. Grâce à Jésus, Dieu nous agrée. Dieu nous comprend. Dieu est favorable pour nous. Pour nous accorder ce qu'il ne pouvait pas nous accorder quand nous étions ennemis. Grâce à Jésus, comme victime propitiatoire, nous avons la faveur de Dieu. Maintenant, celui qui comprend ces choses. Marche dans des expériences terribles. La Bible dit ceci. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, Warumi sura yake 3, verset 23. Mstari wa 23. Tous ont péché. Wote walitenda zambi. Sont privés de la gloire de Dieu. Na wote wanazuizwa na utukufu wa Mungu. Ni kweli. La présence de Dieu uwepo wa Mungu nous a été arrachée. Bali tunyanganya yo. À cause du péché. Kwa ajili ya zambi. Mais maintenant, quand il n'y a plus de péché, asa wakati ile hakuna tena zambi, la présence de Dieu uwepo wa Mungu est pour nous. Inakuwa ni yetu. C'est ça la vérité. Njo ukweli. Pas parce que nous avons marché correctement. Aina sema juu tulitembea mzuri. Parce qu'il y a une victime kwani juu que Dieu a approuvé ile Mungu alikubali pour toi et pour moi. Wako wenda kwangu. Il y a une victime qui a subi tous les châtiments. Ile ripata mapiko yote. Et quand Dieu nous regarde, wakati Mungu anatuangalia, il n'y a aucun péché à nous. Amuna il n'y a aucun péché sur nous. Et Dieu pour cela juu ya ile Mungu libère son cœur à notre faveur. Anatoa roho yake juu yetu. Dieu est favorable pour nous. Na Mungu anatukubali. Continuez maintenant. Muendelee sasa. Verset 25. Non, 24. Ils sont gratuitement justifiés. Par sa grâce. Ce n'est pas qu'ils ont fait des choses correctement, non. C'est la grâce. Ni kwa neema tu. C'est gratuit. Na ni vya bure. Oui. Justifié par sa grâce. Banahesabiwa haki kwa neema. Par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Kupitia uokombozi yenye kwa ndani ya Yesu Kristo. Par le fait que kupitia Dieu a déversé toute sa colère sur l'homme Jésus. Maana yake Mungu alimwanga kasirani yake yote yule ya mtu Yesu. Et Dieu accepte de se tourner vers nous et considérer que il n'y a aucun péché en vous. Mungu anakubali kutuangalia sisi na kuona kwamba tuna dhambi. A cause de ce qui a été fait, qu'est-ce que c'est que la rédemption? Ukombozi ni nini? C'est le paiement d'un prix. Maana yake ni kulipa kwa bei. Pour la libération d'un homme ou d'une femme. Je mwanamke wala mwanaume apate kukombolewa. Quelque chose a été payé. Kitu kimoja kilipa. Dieu sait qu'il exigeait, il l'a obtenu. Kile Mungu alilazimisha alikipata. Et il considère maintenant que asa chaque croyant, kila mwaminifu est juste. A eko wa uwaki. Chaque croyant, kila mwaminifu n'a pas de péché. Ana na zambi. Et maintenant, sasa tous sont péchés. Bote et sont privés de la gloire de Dieu. Awana na utukufu. Mais maintenant, quand tous sont justifiés, sasa wakati bote bana bahesabiwa haki, qui fait la gloire de Dieu? Sasa utukufu ya Mungu unafanya nini? Elle retourne. Inawarudiria. C'est ça? Njofile. Moi je crois que c'est ça, frère. Nawazia njofile. Écoutez, frère. Musikie banduku na parlez bada. Et vivez avec le langage biblique. Museme na mupate parlez et vivez comme Dieu parle. Museme na muishi kufatana vile Mungu anasema. Agissez comme Dieu lui parle. Mutende vile Mungu anasema. La réalité n'est pas ce que Dieu dit, mais croyez seulement en Dieu. Hata kama uhakika haina pamoja na kile Mungu anasema, lakini mwe muamini kile Mungu anasema. Marchez selon la pensée de Dieu. Mutembee kufuatana na wazo ya Mungu. Agissez selon la pensée de Dieu. Mutembee kufuatana na wazo ya Mungu. Et la pensée de Dieu c'est ça. Na mawazo ya Mungu ni Biblia. Que le Seigneur bénisse. Mungu aimbariki. Ils sont gratuitement justifiés. Wanahesabiwa haki par le moyen. Kupitia. C'est-à-dire par la voie qui a été tracée. Kupitia njia ile walipasula. Dieu a approuvé ça. Mungu anakubali ile. À cause de cela, ya kwamba kwa ajili ya hii, ça va? Ils sont blancs comme neige devant moi. Banakuwa beupe sawa teluji mbele yangu. Et je suis même favorable pour eux. Na mie nakuwa faida kwao. À cause de ce sacrifice. Kwa ajili ya hii sadaka. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu amibariki. Frère, nduku. Rien que ça. Paka tu hii. Chaque homme et chaque femme. Kila mwanamke na kila mwanaume. Malade ou pas malade. Awe mgonja au apana. Chaque pécheur. Kila mtenda dhambi. Est en droit aujourd'hui. Niko na ruhusa leo. De sortir de cette salle. Ya kutoka mu chumba. Avec la paix dans son cœur. Na salama mu moyo. Que je ne suis plus ennemi de Dieu. Ya kwamba mimi sina tena adui wa Mungu. Chaque malade. Kila mgonja. Est en droit de dire. Niko na ruhusa ya kusema. J'ai la guérison de ma maladie. Niko na utunzo ya magonjwa yangu leo. Maintenant vous savez, c'est là que je répète souvent, la foi maintenant est une révélation. Elle devient une révélation commune. Le Saint-Esprit doit parler maintenant individuellement à chaque cœur. Pas dans l'ensemble comme ça. Le Saint-Esprit doit prendre la chose et descendre à votre niveau, individu selon que tu es choisi de Dieu ou pas. Et te rendre la chose réelle pour toi. Continuons. C'est lui ni yeye que Dieu a destiné. Jole Mungu alitayarisha. Ce sont nos grands-parents qui avaient décidé ça. Et ni bankambo wetu walichukua impango. C'est un soi-disant pasteur, non? Wala ni pastor mkuu. Qui a destiné? Qui a fait? Qui a tracé ça? Ni nani alitayarisha mambo? C'est Dieu. Ni Mungu. Qui lui a demandé? Nani alimuomba? Personne. Hakuna mtu. C'est sa grâce. Ni neema yake tu. On est ensemble. Tunafuata. C'est lui que Dieu a destiné. Jole yeye Dieu Mungu alichagua. Dieu a décidé souverainement. Mungu alichukua mipango na utawala yake juu ya nini? À cause du grand amour. Qu'il t'a aimé mon frère, qu'il t'a aimé ma soeur. Il a le coupain dans tout ce qu'il a fait d'adapter. Que Jésus, si je vais exécuter la punition de tout homme sur ce homme ici. Pourquoi? Dieu voulait que sa gloire, sa présence, Mungu alipenda utukufu yake uwepo wake. Revienne dans chaque frère et dans chaque sœur. Ipate kuwa ndani ya kila ndugu na kila dada. Dieu voulait à tout prix. Mungu alipenda kabisa. Que nous puissions nous être bénéficiaires. Ipate sisi kufaidia. De ses attributs. Ya ile makazi yake. Que le Seigneur bénisse. Voilà, Mungu c'est lui que Dieu a destiné. Yeye njo ule Mungu alichagua. À être par son sang. Apate kuwa kupitia. Pour ceux qui croiraient. Même les 18 qu'on a baptisé dimanche. Atabale 18 se font partir de cela. Na bobe ko mukundi ya hii. Maintenant, tous ici, nous devons croire cela. Sasa si wote tunapaswa kuiamini. Victime pour ceux qui croiraient. Ni sadaka kwa wale wataamini. Maintenant, je pose la question. Sasa mimi nauliza. Y a-t-il des frères et des sœurs qui ont cru en cela? Eti kuko ako banduku na badada waliamini. Qui ont cru dans l'œuvre de Golgotha? Maintenant écoutez ce que Dieu dit. Pour Mungu ceux qui croient, qui ont cru dans l'œuvre de Golgotha, victime propitiatoire. Ya non. Ça c'est propitiatoire. Vous traduisez comment soit-il? Pardon? Propice. Ah, c'est toujours expiation. Mais en français, c'est différent. Propice, c'est-à-dire, Dieu devient favorable pour nous. Ceux qui ont cru, Mungu anechika, anabechika kumbele yake. Dieu les a agréés, ceux qui ont cru. Dieu est favorable. Mungu anakuwa kwa hapo faida. Quand eux prient, Mnamna kusema wakati wanaomba Mungu anabakubali. Quand eux demandent pardon, wakati wanaomba Dieu est d'accord. Mungu anabakubali. Quand eux supplient Dieu, wakati wanamwomba Dieu est d'accord. Mungu anaitikia. Pourquoi? Dieu anini. Dieu a destiné un homme. Dieu Mungu anesha tayarisha mtu mmoja. Pour eux. Dieu a bobo. Je ne sais pas si les gens comprennent. Mais si Dieu kama watu wanaelewa. Victime propitiatoire. Manake ni sadaka ile kupitia. Maintenant prenez un champ. Sisi tunakubaliwa. 1 Jean 4. Yohane wa kwanza 4. Un Jean chapitre 4. Yohane wa kwanza sura ya 4. Verset 9. Musari akenda. L'amour de Dieu mapendo ya Mungu a été manifesté envers nous. Ilionekana kwetu. En ce que ya kwamba Dieu a envoyé son fils unique dans le monde. Mungu alituma mwana wake wa pekee mudunia afin que nous vivions par lui. Ili tupate kuishi afin que nous ayons la vie par cet homme-là. Ili tupate bujima kupitia ule mutu. Et cet amour que Dieu a manifesté consiste ile Mungu alionekanisha non point en ce que nous avons aimé Dieu, non. Aina ya kwamba sisi juu tulimpenda Mungu hapana. Ce n'est pas que nous on aimait beaucoup Dieu, non. Aina sema juu tulimpenda sana Mungu hapana. Mais en ce qui nous a aimé, lakini alitupenda et a envoyé son fils na kutuma mwana wake comme victime expiatoire pour nos péchés. Sawa sandaka ya ondoleo ya zambi yetu. Pour tous les avortements. Kwa makutosha mimba yote. Pour tous les injures. Kwa matukano yote. Pour tout ce que tu avais fait. Dieu a ile yote ulifanya. Dieu, Mungu, à cause de l'amour qu'il avait vis-à-vis de toi. Ajili ya mapendo ala n'a pas considéré tes multitudes de péchés. Ashikuangalie mawingi. Il a dit malgré tout ça. Alisema hata vile. Je destine un homme. Mimi natayarisha mtu mmoja tu. Lui doit subir. Yeye huyo anapasha. La colère, le fouet de ma colère. anapasha apigwe mafimbo yangu ya kasirani lakini boba siku wasipikwe et doit être épargné boba anapasha baba epushe. Et regardez, victime expiatoire pour le péché, pour le mal, pour tout ce que nous on a fait, il y a une victime. Et quand Dieu nous regarde, il ne voit pas de péché en nous. Dieu considère que ce sont des hommes et des femmes justes. Il ne faut pas douter de ça. Il ne faut pas quand tu te regardes parce que tu as fauté. Oui, mais Dieu savait que nous allions fauter. Pourquoi? C'est parce qu'étant des hommes, nous, il n'y a pas d'homme qui ne faute pas. Dieu savait qu'on allait fauter. Et à cause de cela, il a retenu Jésus au ciel. Comme intercesseur et comme avocat. Quand toi tu fautes sur la terre, et que tu es soucieux, tu te plains. Au ciel, il dit à Dieu, tu vois, ce n'est pas sa vie. Ce n'est pas dans son cœur. Et à cause de moi, accepte d'être favorable, d'être compréhensif. À cause de moi, soutiens-le. Et à cause de Jésus comme victime expiatoire, comme victime propitiatoire, Dieu est calmé dans son cœur. Dieu est d'accord que ce qui nous manque dans notre foi nous soit accordé. La même chose, je crois, c'est toujours dans Jean. Attendez, je cherche ça. Jean chapitre 2. Allez au chapitre 2. Sura ya pili ya Yohane wa kwanza. Jean chapitre 2. Regardez le verset 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ce n'est pas parce qu'il y a un sacrifice ou une victime que nous allons vivre comme nous voulons. Non. Nous savons qu'il a souffert pour nous. Il faut être insensé pour répéter les mêmes choses qui ont fait souffrir Jésus. Je vous écris ces choses. C'est pour vous rappeler que c'est à cause de cela que Jésus a été frappé à Golgotha. C'est à cause de tes calomnies, de tes adultères, de tout ce que tu fais là. C'est pour cela que Jésus a été crucifié. Maintenant, je vous écris ces choses. Ce n'est pas pour vous dire, comme Dieu ne voit aucun péché en vous, vous avez le droit de vivre comme vous voulez. Non. Non. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. S'il vous arrivait de commettre une faute, de pécher, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui parle pour vous au ciel. Ce sont des paroles de garantie. C'est pour te dire que si même il t'arrivait de fauter, reviens vite parce qu'il y a quelqu'un au ciel qui parle pour toi. Regardez, frère, vous savez, même dans nos postes de police ou du parquet ou au tribunal, quand quelqu'un a un dossier et qu'il n'a plus personne qui peut bien parler pour lui, il est troublé. Mais quand quelqu'un a un avocat, il est apaisé. Il sait que l'avocat ira répondre pour ça. L'avocat affrontera le juge, peu importe les menaces du juge. Et son cœur est calme. Il sait que l'avocat connaît toutes les lois. L'avocat est là pour me défendre. Mais est-ce que c'est pour autant que cet homme ou cette femme peut se permettre de commettre n'importe quelle faute? Non. Mais s'il a arrivé que je suis tombé quelque part, j'ai commis une faute. Au moins, je suis rassuré d'une chose, que la colère de l'opéci, la colère de la loi, ne me frappera pas. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui ira présenter ma situation. Que le Seigneur bénisse. Deuxième verset. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais pour tout ce monde qui ne croit pas encore. Il est déjà une victime. Comme ils ne savent pas, pourquoi ils vivent dans l'ignorance? Mais nous, nous le savons, il est notre victime. C'est-à-dire, quand nous venons devant Dieu, nous présentons notre victime. Et quand Dieu regarde à notre victime, Dieu nous voit purs, juste et méritant les bénéfices de l'œuvre de Golgotha. Quand nous venons demander la guérison de nos maladies, présentant notre victime, Dieu ne fait que céder à la guérison. Quand nous venons demander le pardon, présentant notre victime, Dieu ne fait qu'accorder le pardon. Quand nous présentons notre victime, demandant quoi que ce soit, Dieu est favorable. C'est-à-dire, Dieu est d'accord. À cause de cette victime-là, Dieu est dans la joie de nous bénir. À cause de notre foi, dans cette œuvre-là, Dieu est d'accord même de nous accorder le Saint-Esprit. Croyez-vous cela? Dieu doit nous accorder. Pas parce que nous sommes des hommes saints, non. À cause de notre victime. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen pour ceux qui sont saints. Non, en Christ. À cause de Jésus, Dieu libère toutes ses promesses. Maintenant, un vrai chrétien, frère, à qui la chose a été révélée, le vrai chrétien qui a cru cela, c'est un homme extraordinaire. C'est un homme qui marche dans une assurance bénie. Que le Seigneur bénisse. Un homme qui comprend cela, frère, marche de progrès en progrès. Il a une joie qu'on ne sait pas expliquer. Il a une paix qu'on ne sait pas expliquer. Il a une victoire de chaque jour. Pourquoi? Parce que il n'est plus sous l'ancienne loi. Il n'est plus sous l'ancienne gouvernance. Romains chapitre 8. Romains chapitre 7, on commence au 7. Il faut que Dieu vous aide à comprendre ça. Le grand problème, frère et sœur, Satan est là pour barrer la route seulement aux croyants. Vous faire douter de tout afin de vous retenir. Mais quand vous comprenez mieux la chose, Satan devient un lion en carton. Un lion en carton. Vous connaissez vos droits, vous savez sur quoi vous vous tenez, et vous connaissez là où vous allez. Et Satan ne peut pas vous barrer la route. Je crois que nous parlons aux croyants. Le croyant doit comprendre la chose, doit intérioriser ça. Que le Seigneur bénisse. Regardez, Romains 7. Ignorez-vous, frère, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que toute loi ici, toute loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Nous avons des médecins, des infirmiers. La typhoïde, fièvre typhoïde a des pouvoirs sur l'homme quand l'homme est vivant. Ikuna uwezo yule ya mtu wakati. La malaria yule mtu yuko mzima a des pouvoirs sur l'homme tant que l'homme souffle encore le souffle de vie. Malaria ikuna uwezo yule ya mtu wakati mtu angaliki mzima a des pouvoirs sur le corps yule ya mwili yetu aussi longtemps qu'il y a la vie. Wakati ile mwili yetu ingaliki na mzima. Mais quand un homme meurt, wakati mtu akikufa, le cancer, kansa, le malaria, malaria, la typhoïde na matifoïde n'a plus de raison d'être là-bas. Aina tena na uwezo yule au mtu mwenye kufa. Maintenant, de quelle loi il s'agit? Sasa ni sheria kanibana sema ya. La loi du péché. Sheria ni sheria ya zambi. Et qui est derrière la loi du péché? Ni nani yuko mkongo sheria ya zambi ni shetani. La loi du péché. Sheria ya zambi. A tout son pouvoir. Iko na uwezo yake yote yulu yetu. Tant que nous étions vivants. Wakati ile tulikuwa bajima muzambi. Satan veut des droits sur nous. Shetani alikuwa na ruhusa yulu yetu. De faire de nous tout ce qu'il voudra. Ya kutufanya kile kiota anapenda kutufanya. De nous commander à parler comme il voudra. Ya kutuamuru tuseme vile anapenda. De nous donner de penser comme il voudra. Ya kutupatia mawazo vile anapenda. Pourquoi? Jiani. Nous étions régis par une certaine loi que la Bible appelle la loi du péché. Tulikuwa wenye utawaliwa na sheria ile Biblia inaita sheria ya zambi. Maintenant, avançons. Sasa tusonge mbele. Chapitre 4, verset 4. Mstari ya 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ, fait quoi? Mis à mort. Mulikuwa kupitia mwili ya Kristo na mbenye kuuawa. Vous êtes déjà mort par Jésus Christ. Manake munesha kufa kupitia Yesu Kristo. Maintenant, quelle sera la raison de cette loi sur moi? Sasa, uwezo ya ile sheria yule tutakuwa namna gani? Mambo ya Mungu na nduku ni kuelewa kile Mungu alisha kufanya pour toi. Dans la parole de Dieu, il est question de comprendre ce que Dieu a déjà fait. Quand Dieu vous dit, wakati Mungu anakuambia, par Jésus, kupitia Yesu, comme les frères et les sœurs ont cru dimanche, ile banduku na badada waliamini, ya yenga, par Jésus, kupitia Yesu, Satan qui avait plein pouvoir sur vous. C'est parce que vous étiez encore vivant. Mais en acceptant Jésus dimanche, ou même il y a 10 ans, 20 ans, c'est-à-dire, la mort de Jésus, lufu ya Yesu, ce n'était pas sa mort. Aikukwe lufu yake. C'est toi et moi qui mourions là-bas. Na mie njo tulikuwa nakufa kule. Qui est-ce qu'on a frappé? Ni ce n'était pas napika. Jésus en réalité, c'était toi et moi. Katika ukweli, Yesu, qui mourait à Golgotha? Ce n'était kufa. Pas Jésus, c'était toi et moi. Yesu, qui criait à Golgotha? Pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'était pas Jésus, c'était toi et moi. Nini qui as-tu abandonné de Yesu, Dieu? Ni achana, tu kwa croyez-vous cela? Vile? Croyez cela, frère. Mouyamini la difficulté vile. Dans le christianisme, c'est croire ce que l'écriture dit ni et marcher en cela. Na mais na la Bible nous dit dans le verset 4, vous de même, Nous qui avons cru en Jésus, la Bible vous informe que par votre foi, vous avez été mis à mort pour que la loi du péché n'ait plus de droit sur vous. Je suis bénéficiaire de ça. Mie nesho faidia ile. Mais même maintenant que je parle. Atapa ndivyo nasema. Satan fait douter beaucoup de frères. Mina yosema Satan anashakikisha banduku mingi hapa. Frère, nduku. Toute l'œuvre de Dieu. Kazi yote ya Mungu est fondée sur les lois. Inayengwa yulu ya sheria. Quand Dieu vous dit, wakati Mungu anamwambia, vous avez péché en Adam. Mulitenda zambi ndani ya Adam. Nous disons oui, nous sommes nés d'Adam, nous sommes pécheurs. Tunaitikia sana kuzaliwa na Adamu, tunaitikia. Que dans Christ, kama anamwambia tena, vous êtes mort aussi. Ndani ya Kristo tena mwisha kufa. Aussi que vous êtes mort. Ndio muamini asema mwisha kufa. Et que par Christ, manake kupitia Kristo, vous êtes ressuscité. Mwisha kufuka. Que je suis ressuscité. Je ne suis plus ce que j'étais. Je suis un homme nouveau. Et ça, je peux dire à Satan, Satan doit accepter ça. Pourquoi? J'ai la vérité de Dieu. Et Satan doit obéir à ça. Mais à marcher selon cela, la vérité de Dieu. Vivez selon la vérité de Dieu. Vous verrez que Satan n'aura aucun pouvoir sur vous. Et la chose deviendra de plus en plus réelle pour vous. La Bible vous dit ça. Wakati Biblia inaambia vile. Muipokee na moyo wenu wote ya kwamba en réalité, katika ukweli. Ce que je suis, kile niko. Ce n'est pas l'homme ancien. Haina ule mtu wa zamani. L'homme ancien là. Mtu wa zamani. Avait été cloué à Golgotha. Alimupopa kumsalaba. Maintenant Satan lui vous dira. Sasa Shetani atakwambia. C'est toi qui veux. Je vais dire non, ce n'est pas moi. Parlez le langage biblique. Dites que vous n'avez pas cuit par une amie. Dites que c'est lui qui volait la salle. Prouve-le, ce n'est pas moi. Amène-moi, c'est le juge suprême. Quand nous dirons, c'est le juge suprême qui est Dieu, je lui dira, c'est lui qui volait, je l'avais déjà tué à Golgotha. Ce n'est plus ce jeune homme, ce n'est plus cette jeune fille. Nous sortirons devant les juges. Ya un homme acquitté et innocent. Mwenye, na mambo, na mwenye ku il n'y a weza. Aucune condamnation. Ana na il n'a rien fait. Vous l'avez accusé injustement. Bongo. Il n'avait jamais bu. Il n'avait jamais commis adultère. Il n'avait jamais fait ça. Et je dirais oui, je n'avais jamais fait ça. Ndio, mais ile. En réalité, nous sommes pécheurs. Katika ukweli, mais la vérité, selon Dieu. Nous avons été mis à mort. Ya kwamba tunesha kufa. Dieu nous a tués à Golgotha. Mungu anesha tuua kule kumsalaba. Parce que la sentence de Dieu. Hukumu ya Mungu. Pour tout pécheur. Kwa mtenda dhambi yote. Ni lufu. Et Dieu nous a tués. Na Mungu anesha tuua. Comprenez, acceptez ça. Mwenewe na muitike. Mais pour accepter. Je kuitikia. Je parle pas comme mambo. Parce que vous savez qu'on a douté. Là qu'il y a un problème, c'est comme si les gens sont en train de la Bible, même quand vous allez dans Romains 6. Atamu kisoma mwa Romains. La Bible dit clairement. Biblia nasema wazi wazi. Romains 6. Warumi sura yake 6. Bantu ba mingi banesha kuamini sasa beko san boka e boka bunafanya ke shetani anababamba tena. Beaucoup de gens ont déjà cri mais et la parole est apportée. La peur, c'est comme si Satan pour chasser la peur et les doutes de vos cœurs. Mungu banayubiri jua kuondosha boka na kandani ya moyo. La foi véritable. Imani ya kweli. Triomphe du péché. Shira, triomphe de Satan. La foi véritable est une victoire de chaque jour. Mais d'où viennent que les frères et les sœurs vivent comme s'ils ne sont pas vainqueurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est Satan qui est à la base. Voulant faire croire aux gens que ce que la Bible dit, ce n'est pas en réalité ça. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Il n'a jamais dit à Ève que la parole est fausse. Il dit oui, oui, c'est ce que Dieu avait dit, mais seulement. C'est ce qu'il fait. Il a compris que c'est Satan qui me fait douter de mes expériences. En réalité, quand quelqu'un croit véritablement, comme j'ai vu les 18 personnes là, c'est que je dis, ils sont de véritables croyants et ils sont sauvés ici. Le frère, la voix qui leur a fait partir de leur chaise jusqu'ici, ce n'est pas Satan. Qui les a convaincus? C'est Jésus-Christ. Mais là, c'est Jésus seul qui les a attirés. Et quiconque a été attiré par Dieu, comment Satan peut mettre sa main sur nous? Comment Satan peut mettre la main sur vous? Shetani atamgusa tena namna gani? Comprenez que Satan, mwelewa kwamba Shetani, c'est un bluffeur. Yeye tu ni wa kulanda. Il veut t'embrouiller. Anapenda kuvurusha. Maintenant comprenez aujourd'hui, beaucoup de sœurs et de frères sont sincères, ont cru véritablement. Comment la victoire ne se fait pas voir? Sasa, juu ya nini ushindi haionekane? Comment la victoire ne se fait pas voir? Il y a quelque chose qui ne va pas. Satan vous fait douter chaque jour. Satan vous convainc que ce n'est pas ça. Et vous vous acceptez, vous cédez à ça. Mais la parole est apportée pour chasser le doute, chasser la peur. Romains 6. En effet, verset 5 plus tôt. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, Dieu considère un homme qui a cru, Un frère ou une soeur qui a cru véritablement, Dieu le regarde et lui dit, donc l'homme que j'avais tué, l'homme que, la femme que j'avais tuée à Golgotha, c'est celui-ci, c'est celle-là. Et quand Dieu voit ça, vous ne doutez pas de Dieu parce que Dieu c'est lui la vérité. Dieu c'est lui la vérité. Ne doutez pas de ça. Quand vous doutez de ça, votre christianisme sera ballottant. Vous allez faire du surplace, vous n'en penserez pas. Vous serez en train de tâtonner beaucoup. Quand Dieu vous dit clairement, la Bible vous dit que vous êtes devenu une même, c'est-à-dire le corps de Jésus c'est vous. Peu importe où il dit, acceptez que c'est moi, c'est toi, c'est elle, c'est celle-ci. Mais dans sa mort, c'est nous qui mourions. Et quand nous mourons, la loi du péché doit exercer son pouvoir sur moi. Non, je me révolte. La loi du péché n'a aucun pouvoir sur moi. Je ne peux même pas accepter. Frère, mais quand vous commencez, Mungu ni saidie, mais vous ne comprenez rien. Dieu vous a déjà aidé. Quand la parole est apportée, Dieu vous dit que ça, en réalité c'est toi qui étais mort à Golgotha. Acceptez que oui, c'est moi. Même si Satan vous rappelle les anciens péchés, dites-vous la répétition. Dis-lui que c'est lui qui avait fait ça, ce n'est pas moi, c'est lui qui était mort, ce n'est pas moi. Moi je suis une nouvelle créature. Mais regardez, même quand tu m'amènes chez un officier de la police, même un magistrat, il arrive, il vérifie l'identité, il regarde les, il dit mais l'homme ici, ce n'est pas lui. Vous m'amenez un innocent. Qu'est-ce que doit faire le magistrat? Il se tourne vers le plaignant. Il doit le dire. On est l'état mouto à Sikoufa Mango. Pourquoi on l'a arrêté? Je vais l'arrêter pourquoi? C'est papa. Je lui dirai papa, retourne, ce n'est pas toi qui a commis. Et je sors tranquillement du parquet. Parce que je sais que ce n'est pas moi qui ai commis des armes. Où l'a récupéré? C'est lui qui avait commis ce sort là, il a déjà été tué, ce n'est pas moi. Maintenant comment on est fait devant magistrat? Si vous arrivez devant les magistrats. Yo, on est rumi. Oh, excusez-moi. Le magistrat comprendra que cet homme ne comprend rien. Sa tête ne tourne pas bien. Ce n'est pas lui qui a fait ça. Maintenant il demande pardon pourquoi? Pourquoi il est en train de trembler? Il ignore tout simplement sa position. Et c'est ça l'état du christianisme. Maintenant, à qui est-ce que le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Qui a reconnu ce qui avait été annoncé? Ce qui avait été annoncé, c'est ce qui nous a été dit par la Bible. Si tu as reçu ça, cela doit produire des effets. Cela doit produire des effets. La Bible dit clairement dans Romains 7, là on a dit, que toute loi exerce son pouvoir, sa domination sur un homme tant qu'il est vivant. Mais si l'homme meurt, la loi n'a plus de raison d'être là-bas. La loi doit chercher quelqu'un qui est vivant encore dans le péché. Maintenant pour ce qui est du péché, moi on m'avait déjà tué châtié à Golgotha. C'est quelqu'un d'autre. Et la loi du péché ne peut plus dominer sur moi. Là, je tiens la loi devant moi, je dis, toi tu n'as aucun droit sur moi. Celui sur qui tu dominais de sa mort. Moi, je n'ai pas de compte à rendre avec toi. Je n'ai aucun dossier avec toi. Parce qu'à moi, il n'y a aucun péché. Satan lui cherche à vous faire douter. Shetani yuko natafuta akusukume ushakie. Satan cherche à vous faire douter. Shetani anapenda kusukume ushakie. Et voilà pourquoi notre christianisme est beaucoup ballottant. Jiku kia kutenka tenka sana. Pas le baron baptisa. Vendredi, annonce que tu ne peux pas que le mansambri moi. Vendredi, comment ça encore se repentir les mêmes péchés qu'il s'était déjà repenti? Tu n'es jamais mort. Tu es la même personne là. Tu n'as jamais compris la chose. Tu n'as jamais compris. Ah oui, à Elewa. Mais c'est lui-là qui a compris. Oulanisha Elewa. Comprends que. Ana Elewa Kwamba. Oulanifanya Kebivintu. Il est déjà mort. C'est lui qui avait commis ce forfait. Moi, ici, je n'ai rien à voir avec ça. Il m'a inyangarié. Je suis sous une loi. Je suis gouverné par la loi de l'esprit. Romains 8. Romains 8. Romains 8. Warumi sura 8:1. Frère, quand la Bible dit une chose, wakati Biblia nasema accrochez-vous-y là-bas. Manake wambatane sana. Jamba paka pale na we, prononcez ça. Même si tu ne comprends rien, dites seulement que c'est ça la vérité. Ata kama ukielewe wewe useme toi sema injo kweli. Vous savez, même quand on parle de Josué, de Daniel, sont des gens, eux, quand ils écoutaient quelque chose de la part de Dieu, Dieu s'arrange dans sa puissance pour rendre réelle la chose là. C'est ainsi que même l'ange a dit à Marie. C'était impensable qu'une vierge, une femme sans aller avec un homme et une grossesse. Mwani abikuwezi kani mwanamuke wasipokuwa na mwana apate mimba. Marie, comment ça la dépasse? Elle a posé la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Ça, ça bitafanike na mwakani. L'ange lui a dit, Marie, là n'est pas ton problème. Malaika anamwambia, Marie, accepte seulement. Si tu acceptes, Dieu va libérer la puissance du très haut. Mungu ataleta uwezo wa kutoka kumbingu. Et cette puissance te couvrira. Iyo uwezo itakufunika. Et la chose qui t'a été annoncée va se matérialiser. Romains 8. Quand la Bible vous dit, il n'y a donc maintenant, ceux qui ont cru dimanche là, ça, c'est correct pour vous aussi. Maintenant, il n'y a aucune culpabilité. On ne fait rien. Satan ne peut pas pointer quoi que ce soit dans votre vie maintenant. Il n'y a rien qu'on doit vous reprocher. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de Jésus en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Depuis dimanche, vous qui avez été baptisés, dites ça maintenant. Maintenant, je suis sous la gouvernance de la loi de l'esprit. Et tant que je suis vivant, la loi qui domine sur moi, c'est la loi du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit me commander. C'est le Saint-Esprit qui doit me dire ce que je dois avoir comme pensée, comme sentiment. C'est le Saint-Esprit qui doit créer en moi une volonté et réclamer ça parce que c'est ça votre droit. Pourquoi? Parce que vous avez cru en Jésus. Et Dieu considère que quiconque a cru en Jésus a droit à bénéficier de la loi de l'Esprit. A droit à être gouverné par le Saint-Esprit. Mais quiconque n'a pas cru, elle doit rester sous la domination de la loi du péché. Et qui est à la tête de la loi du péché? Satan. Mais qui est à la tête de la loi du péché? C'est Dieu. Maintenant, vous désirez seulement les choses qui viennent de Dieu. C'est là où Colossiens dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez seulement les choses d'en haut. Cherchez seulement un caractère qui vient d'en haut. Des pensées qui viennent d'en haut. Des paroles qui viennent d'en haut. Des expériences qui viennent d'en haut. Ne désirez pas les choses de la terre. Que le Seigneur bénisse. Verset 3. Car, chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. C'est que la loi de Moïse ne pouvait pas faire. Maintenant, dans le Nouveau Testament, cela est possible. Dieu Mungu a condamné le péché dans la chair Mumuili en envoyant à cause du péché kwa son Zambi propre fils wake dans une chair semblable à celle du péché. Ya na ya Zambi. Et cela afin que la justice de la loi ni ya soit accomplie en nous. Ne doutez pas. Recevez cela comme Dieu le dit. Paka vile Mungu et marchez à cela. Na ndani ya maintenant réclamez à tout prix vous qui avez cru dimanche. Sasa, et même sana, nous les anciens croyants. Yema, réclamez seulement les choses d'en haut. Paka bintu ya kumbingu. Parce que la chose vous a été fait connaître maintenant. Bintu sasa. Vous avez droit na que le Saint-Esprit vous gouverne même dans les plus petits détails. Parce que nous sommes sous la loi de l'Esprit. Et l'Esprit doit nous contrôler en tout. Na roo, dites à Dieu maintenant. Je ne veux rien faire par moi-même. Je veux tout entier ce que je suis. Que le Saint-Esprit, lui, me contrôle. Même les cheveux de ma tête, que le Saint-Esprit contrôle. Et si vous êtes convaincu de la chose, vous saurez maintenant que, étant sous la loi de l'Esprit, même ma mort, c'est le Saint-Esprit qui décide. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce qui rend les chrétiens affermis. Mais quand Satan vous fait douter et vous céder, c'est fini, on aura un christianisme, un fiasco de christianisme. Nous allons nous lever. Vous avez intérêt, mon frère et ma soeur, de demander que la chose vous soit révélée. Que le Saint-Esprit lui-même descende jusqu'à votre niveau et puisse vous dire, ça, ça t'appartient. C'est pour toi. Prie maintenant, la chose aura lieu. Ne doutez pas. Vous voyez que Dieu lui-même s'employera dans sa puissance pour matérialiser chacune des promesses de Dieu. Pourquoi? Nous sommes en Christ. Nous avons cru de la bonne manière. L'évangile a été apporté de la bonne manière. Et nous avons cru. Et nous nous sommes fait baptiser. Nous avons droit à toutes les expériences, à l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans notre cœur, dans nos corps, dans nos ménages, dans nos activités, en tout. Priez maintenant.